Bonsoir. Bonsoir. Intéressant, parce que la dernière fois que Denis allait voir, on a rencontré des gens assis un peu comme ça, c'était dans un pénitencier fédéral. Êtes-vous prisonnier de vos enfants? Non. Oui. Alors, vos enfants sont-ils prisonniers de vous? J'aimerais qu'on passe la soirée à parler, à jaser. À pas trop avoir l'impression que vous ne pouvez pas me parler. Vous pouvez tasser vos chaises, vous organiser pour me voir. Tu vois à l'aise un peu. Et puis, vous posez vos questions au fur et à mesure qu'elles naissent chez vous. Attendez pas la fin, attendez pas, etc., etc. Posez-les. Lors de la deuxième partie, ceux qui, malgré tout, restent gênés de poser leurs questions, vous pourrez les écrire sur papier, puis Daniel me les lira. On parle un petit peu assez fort quand même pour que cela soit capté par le micro. Alors avant, c'est moi qui vais vous poser des questions. Mais dans la main ceux qui n'ont pas d'enfants et qui sont ici. Parfait. Et ceux qui ont des enfants, qui vivent en couple, mais qui sont seuls ici. Comment dit ceux qui sont en couple, qui ont des enfants, mais seulement la moitié du couple est ici. Parfait, vous pouvez baisser vos mains. Est-ce qu'il y en a beaucoup ici qui, c'est pas nécessaire de nécessairement se répondre, mais enfin, ce serait intéressant, qui ont des enfants et qui vivent une éducation qui est divisée en deux? L'un du couple veut éduquer d'une façon et l'autre veut éduquer d'une autre façon. Parce qu'on retrouve cela dans beaucoup de familles. On a évidemment le couple qui, où on a un des adultes qui s'occupe des enfants ou de l'enfant et l'autre qui s'en occupe très peu ou de très temps en temps. Et normalement, quand il s'en occupe, c'est toujours en dehors des cadres délimités, paramétrés par le parent éducateur. Et ça crée évidemment des complexes d'éducation relativement compliqués pour l'enfant parce qu'il se fait toujours répondre oui à telle chose et à un moment donné, l'autre s'en mêle et dans la philosophie éducatrice de l'autre, c'est non. Et ça, c'est évident que si l'on veut travailler avec un enfant nouveau sans se faire haïr par lui, on doit s'arranger soit pour expliquer à l'enfant que l'autre éducateur ne comprend rien, soit pour s'arranger pour que l'autre éducateur comprenne. Est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas ce que j'entends par enfant nouveau? On lève la main. Là, c'est important parce que si vous le savez, on n'en parlera pas. Bon. L'enfant nouveau, c'est, ça peut être récupéré par les spiritualités, par certaines formes de philosophie, comme étant un enfant qui est pur, qui est pacifique, qui est capable d'aimer, qui ne se chicane pas, qui n'est pas colérique, qui rend service. Mais il se trouve que cela, j'appelle cela l'esclave parfait. L'enfant nouveau, c'est tout sauf ça. L'enfant nouveau, c'est nouveau pas parce qu'on va vers un air nouvel. On va vers un air nouvel. Mais l'air nouvel n'est pas un air de spiritualité, c'est un air d'efficacité et un air d'intelligence. Et l'enfant nouveau est intelligent. Plus intelligent que l'enfant ancien. Et comme la majorité des enfants sont anciens, disons, plus intelligent que la normale. S'il est plus intelligent que la normale, cela veut nécessairement dire qu'il refusera de faire tout ce qui, pour lui, paraîtra stupide. Donc, il ne peut pas être l'esclave parfait. Il sera un humain. Peut-être parfait, mais pas un esclave. Cela veut dire que si on demande à un enfant de 4 ans de faire le ménage de sa chambre et que la chambre des parents n'est pas bien faite, l'enfant nouveau dira non. Et il dira aux parents de faire la leur. Et si les parents font la leur, il pourra peut-être répondre aux parents, « Si t'aimes pas ma chambre, t'as qu'à pas rentrer dedans. » Si lui ne voit pas de raison intelligente de faire le ménage, il ne fera pas le ménage. L'enfant ancien, on va le manipuler en lui disant qu'on ne l'aime plus, ou en lui disant que ça nous fait de la peine, ou en lui disant que ça nous ferait plaisir s'il fait le ménage de la chambre. Et l'enfant nouveau va répondre que ton plaisir, occupe-toi-en. Mais ça me regarde pas. Il prendra les mots qu'il voudra, mais à un moment donné, on aura le feeling, l'impression émotive que l'enfant qu'on a est sans cœur. Et ça, c'est caractéristique de l'enfant nouveau. Et les psychologues, les psychiatres parlent de l'enfant incassable. C'est leur mot. Et en mon sens, éduquer un enfant, ce n'est pas casser un enfant. Alors, l'enfant qui n'est pas cassable est un enfant trop intelligent pour être cassé. Et s'il n'est pas cassable, il se suicidera ou il cassera les parents. Ou bien, il y aura une harmonie qui s'installera entre l'enfant et les éducateurs, les parents. On peut peut-être posséder un enfant ancien. C'est mon enfant. On peut difficilement posséder un enfant nouveau. Alors, l'enfant nouveau, il est intelligent. Il sera capable de répondre à des questions que l'enfant ancien ne peut pas répondre. Il sera même capable de répondre à des questions que l'adulte court ne peut pas répondre. Il sera plutôt logique. Il sera efficace dans son monde d'enfant, peut-être. Mais il pourra même être efficace dans le monde des adultes parce qu'il apprendra ce que l'enfant ancien a de la difficulté à comprendre. Il apprendra réellement ce qu'est la manipulation. Alors, il manipulera. À 6 mois, comme à 8 ans. Il manipulera d'une façon presque tyrannique, parce qu'il ne peut pas souffrir de la valeur émotive que les adultes et que les enfants anciens mettent sur les choses. Si un professeur dans une classe se suicide, l'enfant nouveau dira « ça y apprendra ». Puis si on lui dit que c'est de sa faute, il va dire « non, c'est de la sienne ». Moi, j'ai dit à ce professeur-là qu'il était ceci, cela, cela, cela. Il n'y avait qu'à pas se suicider, il n'y avait qu'à rire. Alors l'enfant nouveau, on va dire, il est irresponsable. Il est responsable. Il sait ce qu'il fait, mais il ne vit pas de la valeur psychologique de la normalité. Une chose qui est grave pour un parent ancien, un homme ancien, une femme ancienne ou une personne transitive, ou un enfant ancien, n'est pas nécessairement grave pour l'enfant nouveau. Demandez à un enfant ancien s'il a peur de briser les vitres de l'école. L'enfant ancien va répondre non. Dites-lui qu'il a peur, il vous prouvera qu'il n'a pas peur en cassant les vitres, vous prouvant qu'il est stupide. L'enfant nouveau vous dira non. Poussez-le à casser les vitres, il va vous casser la gueule. Est-ce qu'il va s'y faire? Grosse différence entre l'enfant ancien et l'enfant nouveau. L'enfant ancien, on va lui dire que si un jour on est malade, ce sera de ta faute. Et on peut le culpabiliser suffisamment pour qu'il écoute les parents. L'enfant nouveau, il va vous rire d'en face. Parce qu'il sait que si vous êtes malade, ça vous regarde et c'est de votre faute. Pas de la sienne. Il arrive en retard. Oui, mais je me suis inquiété. Il va vous répondre. T'inquiète pas t'inquiéter. C'est simple. Il va dire, oui, mais quand j'arrive pas, tu t'inquiètes pas. Non. Il ne peut pas s'inquiéter. Sauf si on l'instruit et on le force à se déformer pour souffrir d'aimer comme l'homme ancien souffre d'aimer. Alors, l'enfant nouveau ne s'ennuiera pas de ses parents, mais il les aime. Il n'obéira pas aux manipulations des parents, mais il les aime. Et si ses parents meurent, il ne pleurera peut-être même pas, mais il les aime. Il ne souffrera pas d'aimer. Ce que l'homme ancien fait, il souffre d'aimer. Alors, il peut aimer quelqu'un sans être son esclave. Ce que l'homme ancien a de grandes difficultés à faire. Lorsqu'on s'aime, on s'appartient. L'enfant nouveau, lui, il aime et il laisse libre. Mais il peut être aimé, mais il se gardera libre. Alors, l'enfant nouveau, peut-être pour vous aider encore à mieux cerner ce que j'entends par là, ce n'est pas un principe spirituel ou philosophique, c'est une constatation psychologique, c'est une évolution normale d'une société comme la nôtre, et c'est une mutation dans la race. Et ça, qu'on veuille l'accepter ou non, on devra vivre avec. Alors, il y a des personnes qui, à un moment donné, me disaient que leur fille de 8 ans était trop intelligente. Elle est allée voir les psychologues, et les psychologues ont vérifié si elle était surdouée. Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas surdouée, qu'elle était démoniaque. Elle était surdouée dans tout, parce qu'un enfant ancien surdoué n'est pas. Hein, un surdoué va être surdoué en mathématiques ou en musique, mais pas dans tout. Cette fille, elle est surdouée dans tout ce qu'elle aime, et elle est capoute dans tout ce qu'elle n'aime pas. Mais quand on parle de surdouée, dans ce qu'elle aime. Elle aime le professeur, elle aura des 100%. Elle haït le professeur, elle aura des 0 et le professeur fera une dépression. Alors, le psychologue a fait des tests pour se rendre compte que l'enfant était sans cœur, dangereusement mal élevé, traumatisant pour les adultes et pour son entourage. Et il a suggéré de lui donner des médicaments qui calmeraient, qui la ralentiraient, qui la gèleraient, de façon à ce qu'elle puisse réintégrer sa classe. Et ça, on en a de plus en plus. Lorsque je lis un article sur les enfants incassables que la psychiatrie ne comprend pas, cela veut dire qu'effectivement, la science découvre l'enfant nouveau, mais elle le traduit comme l'enfant ancien. On veut comprendre l'enfant nouveau à partir du concept de l'enfant ancien, et on ne peut pas. on ne peut pas. Alors, si vous avez un paquet de trucs qu'on va vous montrer un peu partout pour éduquer les enfants, sachez qu'avec l'enfant nouveau, ça va tout vous virer dessus. Et en souffrir. Mais ça ne marchera pas. Alors, on a un enfant qui... Un enfant de 4, 5, 6 ans à qui on demande d'aller nous chercher des cigarettes au magasin. Et l'enfant nous répond, c'est toi qui fume, va donc chercher. L'enfant ancien ne ferait pas ça. Il m'a donné 50 cents. Pas de problème, quand j'aurai fini, puis j'aurai rien à faire, puis ça me tenterait, j'irai. On ne peut pas acheter un enfant. Bon, il y en a qui se reconnaissent des choses, c'est intéressant, mais... Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant nouveau, il a un corps physique différent de l'enfant ancien, surtout au niveau du cerveau et au niveau du système endocrinien. Qu'est-ce que c'est que le système endocrinien? C'est un système d'hormones, de glandes hormonales qui sécrètent des hormones directement dans le sang. Et quelques-unes sont reliées au système exocrinien, vont sécréter des choses à l'extérieur, comme les larmes, comme la transpiration. La grande majorité de l'émotion de l'homme est transmise, exprimée par son système endocrinien et exocrinien. Trop d'émotions, on va pleurer. C'est le système glandulaire. On va rire. Système endocrinien qui déclenche des réflexes. On va avoir une tachycardie, une accélération cardiaque, sécrétion de catécholamines, d'hormones surrénales, adrénaline, noradrénaline, etc. On aura peur, on va rougir, dilatation des vaisseaux périphériques, donc beaucoup plus de sang en périphérie, donc on paraît rouge. On va devenir blanc comme un drap, vasoconstriction, donc les vaisseaux se serrent, moins de sang, on devient blanc. On aura une augmentation de la pression, c'est normal, s'il y a une vasoconstriction puis que le cœur se met à pomper plus, tout est relié au système hormonal, on aura une augmentation de la pression, on aura une perte de pression, on aura tout ce que vous connaissez quand vous êtes en colère, quand vous êtes jaloux, quand vous exprimez de l'émotion. Étant donné que le système endocrinien de l'enfant nouveau est quelque peu différent, ben nécessairement, son émotivité ne sera pas exprimée comme celle de la personne ancienne. Et l'adulte va dire, oui, mais qu'est-ce qui fait que cet enfant est différent biologiquement? C'est que vous êtes différent. Les parents qui ont des enfants nouveaux sont déjà biologiquement différents. L'être humain de v'là 2000 ans n'était pas comme celui d'aujourd'hui. Il avait les mains larges, il peut tenir des grosses épées. Lorsqu'il prenait quelque chose, il le prenait fort parce qu'il ne pouvait pas contrôler suffisamment son système musculaire pour devenir délicat. Il ne pouvait pas penser à la même vitesse que nous autres. Il ne pouvait pas agir comme nous autres. Il avait un corps plus petit, plus trapu, plus solide. Mais la mutation, l'évolution génétique fait qu'en mélangeant les corps et en mélangeant les races, d'ailleurs, c'est pourquoi les religions théologiques interdisent les mariages consanguins. Ça altère la génétique, entraînant des corps débiles et qui font des êtres humains pas forts. Alors, veut pas, à un moment donné, vous mutez. Et toute votre évolution se cellularise. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous changez dans votre vécu, de temps en temps, certains codes génétiques de certaines cellules changent. On appelle cela des caractères récessifs. Ça ne paraît pas. Et à un moment donné, si vous devenez pacifique après 25 ans, 30, 40, 50 ans de vie, et vous n'avez aucune technique à faire, vous êtes plus calme, c'est maintenant cellularisé. Votre code génétique le porte. Ce sont des caractères dominants. Ils paraissent. Mais si les parents ont des caractères récessifs de telle chose, et la femme et l'homme des caractères récessifs, un enfant sur deux risque d'avoir ces caractères-là en dominance. Donc, ça paraîtra chez l'enfant, même si ça ne paraît pas chez les parents. Et un des deux enfants peut être ancien et l'autre nouveau. Comme ils peuvent tous être anciens, comme ils peuvent tous être nouveaux. De plus en plus au Québec, il y a de moins en moins d'enfants qui naissent pour des raisons écologiques. Mais les enfants qui naissent sont de plus en plus nouveaux, surtout depuis 1972, disons. Et il y a des exceptions avant, et c'est de plus en plus croissant. Alors, il y a des mutations qui s'expliquent par la génétique. Je ne veux pas ce soir parler de génétique. À un moment donné, peut-être s'il y a intérêt, on le fera, mais pas pour l'instant. On parlait surtout de comment vivre avec l'enfant nouveau. Et ces enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent premièrement réfléchir énormément de fois plus vite que l'adulte, parce que leur système neuronique est différent. Donc, ils pourront comprendre plus vite que la majorité des adultes. Et évidemment, ils pourront donc manipuler les adultes avant que ceux-ci se rendent compte qu'ils se font avoir. Mais qui sont plus rapides. Ils auront des phases très subtiles, parce que plus intelligents, plus rapides, des phases qui demandent une rire, qui demandent quelque chose. Ils seront rusés, et ce sont des enfants qui vont aimer travailler seuls. Ils n'auront pas besoin d'être en gang. Ils peuvent être déformés, puis devenir en gang. Ils deviendront les chefs de gang. Ils n'accepteront pas d'être en bas. Ce sont des enfants qui voudront créer, qui voudront construire des enfants à qui on ne devra pas acheter des jeux imbéciles. J'en voyais un aujourd'hui, c'est un enfant ancien, le jeu est parfait pour lui. Faut faire bien attention, l'enfant nouveau, ce n'est pas une qualité. C'est plutôt une merde. L'enfant ancien, c'est n'est pas une qualité non plus, c'est un état. Alors, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais je voyais un enfant aujourd'hui se promener, un enfant d'à peu près 7 ans, avec une tondeuse à gazon plastique, avec la manche jaune, puis la tondeuse rouge, là, qui fait des ballons. Très éducatif pour l'enfant. Hein, on le collectivise, tout de suite, on y monte à être un bon adulte qui coupe son gazon. Donnez ça à un enfant nouveau, il va voir comment ça fond, la tondeuse. Il va la mettre dans une chaudière, dans un chaudron sur le poêle, il va mettre le feu après, il va casser la tête à son voisin, il va expérimenter d'autres choses que de tondre le gazon. Parce qu'il n'y a rien de créatif. Tout intéressant, c'est qu'on parle de jeux éducatifs. Savez-vous que la majorité d'entre vous, quand vous étiez jeune, vous n'aviez pas beaucoup de jeux. Vous deviez les fabriquer. Ça, c'est éducatif. Mais si on vous donne des jeux toutes faites, qui sont un cadre, et on vous dit, ben oui, tu mets le cube là. Ben oui, mais il faut que l'enfant invente, imagine. Oui, dans les cadres du jeu. Mais jamais plus loin que le jeu. Alors, on lui interdit carrément de devenir intelligent. Et ça nuit. Mais l'enfant nouveau, lui, comme jeu, aura besoin d'un microscope, d'un ordinateur. Surtout de l'ordinateur. À un moment donné. Dépendant de son âge. L'enfant ancien pense comme tous les enfants anciens pensent. Il est collectif, manipulable par l'éducation, émotif, culpabilisable. Il aura peur. Il voudra faire plaisir. Il aura besoin d'être aimé. Et il cherchera aussi, à un moment donné, à aimer. Il vivra sa crise d'identification psychologique vers l'âge de 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans. En même temps que sa puberté biologique. L'enfant nouveau, lui, pense comme aucun enfant ne pense. Il n'est pas stéréotypable, il est difficilement programmable, il ne veut pas se collectiviser, il vivra sa crise d'identité psychologique en 3, 4, 5 et 6 ans. Et il aura sa crise, son identification, sa puberté, entre 10 et 16 ans, comme l'enfant ancien. Cela veut dire que, dans l'éducation conventionnelle, n'est-ce pas, on parle d'une phase calme lorsque l'enfant a entre 9, 10 et 11 ans. Une phase où l'enfant est gentil, fin, un peu la phase prépubertaire où apparemment il est correct. Chez l'enfant nouveau, à 7 ans, il peut carrément vous envoyer promener. Il saura dire non comme un adulte peut dire non. Il répondra non et vous aurez de la difficulté à soutenir son regard et son non. Ce qui normalement apparaît dans l'adolescence ancienne vers 14, 15, 16, 17 ans, où on ne peut plus tenir tête. Alors, l'enfant ancien est donc effectivement en avance sur l'enfant nouveau et il ne peut pas être assujetti à l'éducation conventionnelle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne comprennent toujours pas la nuance entre un enfant nouveau et l'enfant ancien? Toi? Ouais. Oui. J'ai des difficultés à comprendre, mais j'aimerais pouvoir comprendre, savoir quoi faire avec les autres, comment les éduquer, est-ce que tu en comment as? Les élever. J'ai des travailles-tu enfants, avec des enfants, comme j'ai expliqué? Non. D'après ce que je peux voir, les miens, ils sont anciens, ils ne sont pas nouveaux. Est-ce que, selon toi, c'est grave qu'ils soient anciens ou nouveaux? Je ne sais pas. C'est pas grave. C'est important que tu le saches. Est-ce qu'ils peuvent devenir nouveaux? Ça va toi. Comme d'ailleurs n'importe qui ici. Maintenant, ce qui est bien important de comprendre, ce n'est pas une qualité d'être nouveau ou ancien. La personne dirait, ouais, mais moi, j'ai mis des enfants anciens dedans. C'est merveilleux. T'as moins de problèmes. Non, c'est un fait. Puis l'autre, ah, mais moi, j'ai des enfants nouveaux. Ouais. Espérons que tu vas vivre vieux. Faire bien attention. L'enfant ancien, c'est ce qu'il y a de mieux. Sauf qu'il est facilement assujettissable à une programmation collective. Il peut devenir un enfant savant. Il ne saura jamais ce qu'il va faire dans la vie, mais il va bien le faire parce qu'il est payé, parce qu'on est content de lui, parce qu'on donne une médaille. T'sais, on donne du gâteau, une carotte. T'sais, il peut marcher, comme la majorité des adultes font. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent, ils ne savent pas pourquoi ils travaillent, mais en tout cas, ils le font. C'est normal, tout le monde le fait. L'enfant ancien, lui, par contre, s'il ne voit pas d'utilité à la vie, il va aller voir l'autre côté ce qui se passe. La deuxième cause de mortalité au Québec, c'est le suicide chez les enfants. Deuxième cause de mortalité infantile. Elle est en croissance pour devenir la première cause. Et si les pédagogues ne se réveillent pas, les pédagogues, ça veut dire médecins, psychologues, psychiatres, parents, éducateurs, enfin tous ceux qui ont attrait à l'éducation de l'enfant, s'ils ne se réveillent pas, de plus en plus, ces enfants-là qui sont parfaitement géniaux vont simplement se suicider. Et on va dire, oui, mais c'est pas intelligent de se suicider. Pourquoi? Toute la théologie de l'homme ancien dit que lorsque l'on meurt, on va dans un monde meilleur. C'est donc intelligent de mourir pour aller dans ce monde meilleur ou plus sacré. Et l'enfant nouveau est intelligent. Si l'absurdité du monde ici leur saute d'en face, ils vont voir ailleurs. Et si ailleurs, dans sa planète, il n'y a rien, ben, ils suicident simplement. Puis ça, il y a beaucoup de personnes qui disent, ben voyons donc, ça change rien aux statistiques. La deuxième cause de mortalité en bas de 15 ans est le suicide. Et elle est en croissance. Alors, que l'on veuille, que l'on dise non, que l'on dise ce que l'on voudra, faudrait à un moment donné que quelqu'un se réveille, puis quand on se rend compte, moi, mais cet enfant-là était malade. Oui. C'était quoi les symptômes de sa maladie? Individuel, pas collectivisant, déteste les jeux de groupe, très intelligent, même trop, un enfant jamais trop, mais en tout cas, on dit trop intelligent, comme sans cœur, difficile d'approche, hyperactif, c'est exactement ça l'enfant nouveau. Puis qu'est-ce qu'il fallait lui donner? Quelque chose pour qu'il comprenne puis qu'il fitte dedans. Puis en ceux-là, la majorité de ceux-là, on les perd en suicide. Et si on n'a pas d'enfant nouveau, c'est pas grave, mais soyons suffisamment compréhensifs pour comprendre que l'enfant doit devenir autonome. Et nécessairement, donc, il se rapprochait de l'enfant nouveau. Et c'est pour ça qu'on va y revenir, oui? Moi, je suis éducatrice en garderie, puis j'ai dans le groupe un enfant nouveau, là. Puis Isabelle, c'est une petite, en tout cas, elle fait tout le contraire à ce qu'on dit, là. C'est vraiment... Mais j'aimerais savoir comment... Parce que nous, on, tu sais, à la garderie, nous, on se sent bien gros sur la discipline. Mais pour cet enfant-là, je vois pas, parce que là, on a eu bien des méthodes, puis là, je me demande comment faire pour, je sais pas, pour la comprendre, pour qu'elle rentre, tu sais, qu'elle ait quand même une discipline. Quel âge elle a? Elle a 3 ans et demi. Bon, vous la voyez à 4 ans, tu vois. Ce qu'il faut faire attention, puis ça, c'est que l'enfant nouveau va obliger chaque adulte qui veut y toucher à devoir se reformer. On n'aura pas le choix. Alors, il y a un paquet, puis c'est ça qui est le maudit problème, c'est que la majorité de tout ce qui est standard, tout ce qui est accepté normalement, devra décoller si on veut vivre avec l'enfant nouveau. Cet enfant-là, faut que tu lui expliques que les autres sont différents d'elle. Mais on ne fait jamais ça dans le cadre de l'enfant ancien. S'il se sent différent, il va souffrir, il va être malheureux, il va être normal. Il va être comme tout le monde. L'enfant nouveau, lui, le sait, il le sent, il le vibre. Faut pas y en faire un culte. Il faut lui expliquer que on fait faire ça aux autres parce que les autres, ils en ont besoin. Tu t'adaptes au langage, évidemment, de l'enfant. Mais toi, t'as pas besoin de ça. Mais les autres, ils ont besoin de ça. Elle va vouloir comprendre pourquoi. Il y a une raison intelligente. Je ne dis pas une raison cosmique, mais au moins sort une raison qui semble être logique. Pour pouvoir se distraire. Ou encore, disons, s'amuser. Le terme est plus facile à l'enfant. Mais, elle a besoin pour s'amuser de d'autres choses. Alors, faudrait lui dire, maintenant, toi, qui es différente, qu'est-ce que tu as besoin pour t'amuser? Peut répondre, rien. Faisons attention, ça peut être vrai. L'enfant ancien, on va dire, il y a quelque chose qui va pas. C'est vrai, un enfant ancien qui dit rien, il va dépérir tout seul. Mais l'enfant nouveau, non. Alors, tu peux lui dire, est-ce que tu aimerais que je parle avec toi? Elle peut répondre non. Faut pas se sentir frustré, ça peut être vrai. Et c'est toujours le mot du problème, c'est pour s'organiser pour éliminer des choses. 3 ans et demi, 4 ans, c'est pas trop pire. A pas encore beaucoup de langage. Ouais. Sauf... Oui, elle n'a pas comme un adulte en a, mais elle peut en avoir plus que bien d'autres. Toi, justement... Oui, puis son langage, elle va manipuler. C'est pour ça que je te dis qu'une chance qu'elle n'a pas trop de langage encore. Mais c'est évident qu'elle va en développer du langage, parce que la parole, c'est par là que l'intelligence se développe. Fait que nécessairement, l'enfant nouveau va parler. Alors, il faut que tu arrives à en faire un ami. De quelle façon? Premièrement, d'instinct, l'enfant nouveau va voir que tu viens de changer de cap. OK? Tu agis toujours d'une certaine façon, puis à un moment donné, tu changes de cap. Tu ne trusteras pas ça. Il y a vu suffisamment d'individus changer de cap 2 semaines puis revenir dans leur cap traditionnel, programmé, habituel. Tu ne trusteras pas ça. Alors, il va falloir que tu changes de cap, il va falloir que tu lui expliques bien des choses, il va falloir répondre à toutes les questions. Mais il va falloir aussi devancer les questions. Alors, il faut être un égoïque. De dire à cet enfant-là que toi, t'es peut-être arriéré. Mais, puis elle, peut-être pas. Et la majorité des enfants nouveaux considèrent que tous ceux qui les entourent sont arriérés. Pourquoi? Ben pour la simple raison que, voyons donc, quelqu'un vient de voler une pomme, là, puis l'autre a gueule, pas crie. Tu sais, quelqu'un qui est intelligent va dire, il y a un problème. Oui, mais il fallait pas, faut le montrer. Oui, oui, mais c'est pas une raison d'être dans un état émotif où toute ta vie semble finie. Où toute ta journée va être sur le derrière. L'enfant nouveau, il trouve que t'es arriéré. Pour une pomme. La discipline, comme l'enfant nouveau, comme l'enfant ancien, ont besoin absolument d'être paramétrés. OK? Pourquoi? Maintenant, les paramètres changent. Quand l'enfant pose une question, s'il n'y a pas de réponse à sa question, nécessairement, c'est l'ego qui pose la question. Puis comme il pose la question par rapport à des choses neuves, qu'il connaît pas réponse, il va vivre de l'insécurité. Alors, le paramétrant, ben, tu lui donnes des réponses, même si ces réponses-là sont fausses, dans la réalité de l'adulte, peuvent être réelles dans la réalité de l'enfant. OK? Tu donnes des réponses qui vont quand même le rassurer. C'est comme si tu lui dis, oui, mais ça, là, pose-toi pas cette question-là tout de suite. Dans 2 mois, ou plus tard, ça peut être suffisamment sécuritaire. Mais si on essaye toujours de vouloir y répondre, puis que nous-mêmes, on est foqué, ben, l'enfant, à un moment donné, finit par tout à fait insécure. Alors, la discipline, c'est quoi la discipline? C'est l'obligation, parce que n'importe quelle discipline, c'est qu'on se fait un paramètre, une barrière qu'on place autour d'un individu pour l'empêcher de s'expandre. Alors, on peut mettre une discipline l'empêchant de réfléchir. On peut mettre une discipline l'empêchant de créer. On peut mettre une discipline l'empêchant d'agir ou l'empêchant d'avoir trop de fun. Une discipline, ben quand tu dépasses tant de décibels de bruit, il faut que tu arrêtes. Donc, tu l'empêches de trop s'amuser. Créer, ben s'il décide de faire une belle murale, tu l'empêches de le faire. C'est un cadre qui l'empêche donc de créer. On va dire, oui, mais c'est quand même écologique. Tu sais, si tout le monde se met à barbouiller ses murs de la garderie, même si c'est un cadre limitatif, ça peut être très écologique. Mais ça, pour que l'enfant nouveau l'accepte, faut qu'il comprenne c'est quoi l'écologie. Premièrement, cet enfant-là, si tu lui dis qu'il était normal, il va te dire, oui, mais pourquoi les autres, ils sont aussi cons? Et là, c'est ça qui est le problème, c'est que si on veut travailler avec un enfant nouveau, faut maintenant lui expliquer qu'il y a effectivement une différence entre lui et les autres. Que les autres ne sont pas cons, mais peuvent pas comprendre ce qu'il comprend. Que les autres ont besoin de ça, mais qu'ils sont pas stupides. Parce que sinon, rapidement, l'enfant nouveau développe l'idée que tous les autres sont arriérés, caves, imbéciles. Quand ces mots vont pouvoir rentrer, c'est les mots qu'elle va employer. Puis évidemment, il n'y a pas une seule entité intelligente qui se plaît de vivre à travers une gang de cons. Si par contre, on lui explique qu'ils ne sont pas cons, hein, tu peux prendre un paquet d'exemples que tu voudras, mais sauf que l'enfant nouveau, c'est préférable de lui montrer. Si tu lui dis que des arbres qui sont petits et des arbres qui sont gros, puis les deux sont utiles, il n'y en a pas un qui est con, ben faut que tu lui dises ça quand tu lui montres des arbres. Parce que si ça ne tente pas de cheminer avec toi, tu vas le perdre avec tes mots. Si tu lui montres, ça c'est grand, oui. C'est plus important que celui-là. Oh, elle va te répondre peut-être non. Ben les humains, c'est pareil. Ça fait un clic. Tu prends le temps qu'il faut, mais cette personne-là, l'enfant nouveau, donc Isabelle, devra apprendre qu'elle est effectivement différente. Qu'elle est anormale, donc qu'elle est naturelle. Mais normalement, dans la psychologie ancienne d'éducation, être anormal, c'est un défaut, sinon un péché. Mais quand on est naturel, on est nécessairement anormal. Hein? Si on est normal, on peut pas être naturel. Normal ne veut pas dire correct. Normal veut dire comme tout le monde. Si tout le monde crie, c'est normal de crier. Si tout le monde fait silence, c'est normal de faire silence. Mais si tout le monde a peur des souris, ça sera normal d'avoir peur des souris. Et c'est pas parce que c'est normal que c'est nécessairement intelligent. Alors, de quelle façon, ben, il faut que l'éducateur accepte de se déformer, accepte de devenir un complice de l'enfant. Si elle dit, oui, mais mes parents ne comprennent rien, il faudra que tu lui expliques que ses parents ne peuvent pas comprendre parce que ses parents sont aussi différents. Autrement dit, il faut quasiment que tu t'organises pour dissocier l'enfant nouveau de tout ce qui est ancien. En faisant très attention pour ne pas monter l'enfant nouveau contre tout ce qui est ancien. Mais ça ressemble à ça, l'éducation. Pourquoi? Parce que si tu as une garderie et t'es un enfant nouveau, ça va bien. Mais faut quand même que tu leur expliques que dehors, c'est pas pareil. C'est quel mot du gros problème? On veut être normal. Tu veux éduquer ton enfant à manger convenablement. Mais s'il va à l'école, il va manger comme un trou. S'il va au restaurant, s'il va ailleurs, s'il suit la gang, il va manger tout croche. Alors, comment lui faire comprendre que c'est correct que tu l'instruis, vu que la société l'instruit carrément différemment? Mais il faudrait que tu lui expliques que la société, elle n'est pas correcte. Ah, là, peut-être qu'il va commencer à accepter ce que tu veux lui donner comme éducation, parce qu'il va comprendre pourquoi que les autres ne le font pas. Mais on veut pas faire ça. tous ceux qui sont ici, qui sont en couple, mais il y en a un des deux qui éduque d'une façon, puis l'autre d'une autre façon, ben, faut finir par expliquer à l'enfant que l'autre, il comprend rien. On va dire, oui, mais on n'est pas pour monter l'enfant contre le père ou contre la mère. Ben, vous avez le choix. Il va se monter contre vous deux, ou il va travailler avec un des deux. Puis ça, c'est très important. Chez l'enfant ancien, c'est important aussi qu'il accepte les deux phénomènes d'éducation en comprenant. Mais chez l'enfant nouveau, c'est primordial parce que s'il ne voit pas l'intelligence dans les deux formes d'éducation, s'il me dit que je peux faire ça, puis l'autre, il me dit non. L'enfant de 3 ans qui décide de se promener à tout nu dans la maison. S'il y en a un qui dit, ah, il n'y a pas de problème, mais quand ton père rentre, habille-toi. Et vice-versa. Mais si c'est un enfant nouveau, là, il y aura un problème. Il verra pas ni d'intelligence à se promener nu, ni d'intelligence à se promener habillé. Quand t'as tout ça psychologique et émotif dans lequel vit l'autre. Puis l'enfant nouveau peut comprendre ça. Alors, il va devenir non pas poli, mais il va apprendre à s'ajuster. Il va devenir écologiste. Alors, quand le bonhomme ou la bonne femme va rentrer, il va s'habiller. Puis il en souffrira pas de s'habiller parce qu'il va comprendre que c'est essentiel pour que l'harmonie de psychologique de la famille reste. Alors, la tienne, c'est le même phénomène. Pas de discipline, c'est normal. La discipline est conne sans raison. Si je te dis t'arrêtes aux lumières rouges, tu passes au vert. À minuit, à 2 heures du matin, même s'il y a pas de trafic puis aucun char, t'arrêtes pareil. Si t'es intelligent, tu vas dire, ben, du coup, il va dire, OK, il va arrêter. Mais compte sur moi, tu sais, il va arrêter, il va checker, il y a pas de danger, moi, je passe, hein, laisse faire la lumière rouge. Puis c'est intelligent. L'enfant ancien, il va rester tellement ancré dans les peurs que même si 3 heures du matin dans un désert après une apocalypse, si la lumière rouge marche encore, il va encore attendre qu'elle passe au vert. J'ai vu des gens arrêter sur un stop. Il y a une pancarte stop et une lumière qui clignote. Mais là, elle clignote pas un brûlé, un seul rouge. Personne elle attend qu'elle passe au vert. Puis quand ça fait 3 ou 4 qui dépasse, ben là, elle finit par se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose. Puis comme elle était anormale de plus passer. Tandis qu'avant, elle se pensait anormale de passer, mais quand elle voit que la normalité passe, ben, elle finit par y aller. L'enfant nouveau ne peut pas faire ça. Donc, tu veux avoir de la discipline, il lui en faut. Il faut qu'elle comprenne l'intelligence, la discipline. Puis si toi, tu n'es pas capable de lui expliquer, c'est que dans la garderie, la discipline qu'on impose aux enfants est une discipline émotive. On veut pas qu'il fasse ça parce que ça nous dérange. Pas parce qu'il y a une raison intelligente à ce qu'il fasse pas. Et ça peut marcher avec l'enfant ancien. On peut éduquer l'enfant ancien avec une discipline émotive. Qui peut être utile et intelligente. Mais si le parent ou l'éducateur ne comprend pas l'intelligence du pourquoi, tu sais, pourquoi je veux que tu manges avec les ustensiles? Pourquoi tu veux l'intelligent? Ben, trouve-en une, parce que ton enfant à nouveau, lui, s'il décide que goûter le métal en même temps qu'il goûte les aliments, il risque de fortement manger avec ses mains longtemps. Ben, trouve une raison. Pourquoi on mange pas de cornet? Ben, trouve une raison. Explique-lui. L'enfant nouveau doit être amené à comprendre immédiatement le plus jeune, le plus rapidement possible, les conditions qui permettent à la vie d'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un fonceur. Montre-lui que la mort existe le plus rapidement possible. L'enfant ancien, on va le traumatiser, on le traumatisera même pas, l'enfant ancien. Mais si on lui explique que la mort existe pas, puis rendu à 12 ans, il y a des coups, il va être traumatisé. Fait que là, on va dire, on a bien fait d'attendre avant de lui montrer. On a bien mal fait. Mais l'enfant nouveau, si tu lui dis, tu ne dois pas aller jouer dans la maison qui vient de brûler parce que c'est dangereux. Mais dangereux pour lui va souvent être synonyme par rapport à l'éducateur que c'est pas dangereux, mais que toi, comme éducateur, tu as peur d'y aller. C'est ça, dangereux. Et moi, j'ai pas peur. C'est dangereux pour toi, mais pas pour moi. Parce que l'enfant nouveau se rend compte vite que tout ce qui est dangereux fait peur. Donc, si t'as pas peur, c'est pas dangereux. Lui, il va y aller. Mais s'il apprend ce que c'est que des blessures, des brûlures, s'il apprend à voir des personnes qui ont été massacrées par des éboulements, s'il apprend à connaître la mort, ben, si dangereux veut dire, s'il veut, vient synonyme de ça, il va peut-être aller jouer dans la maison pareil. Mais il y a 99% des chances que si tout s'écroule, que lui, ça se pas blessé là-dedans. Il va être suffisamment intelligent puis suffisamment attentif pour savoir tout ce qui se passe. Puis un enfant ancien qui le suit, lui, peut risquer. Alors, donc, il y a bien des choses qu'il faut faire. L'enfant nouveau doit apprendre ce que c'est que l'écologie. Il peut pas apprendre la politesse. La politesse, c'est pas intelligent. C'est programmatif. L'enfant ancien, on lui montre que quand il rencontre telle personne, il dit telle chose. Parce que l'enfant ancien ne vit pas encore d'intelligence. Il vit de mémoire, d'expérience puis d'intellectuance. Il l'apprend. À un moment donné, il peut transiter, comme la majorité des adultes font, il transite vers un homme nouveau, femme nouvelle. Ils finissent par avoir des maudites idées dans leur tête que personne n'a eues. Puis ils finissent par se dire, mais je pense que j'ai raison. Puis là, s'ils vérifient, ils vont se rendre compte qu'ils ont tort, puis ils peuvent se faire récupérer. Mais l'enfant nouveau, souvent, lui vérifiera même pas. Il va vérifier 2-3 fois avec toi, puis si ça marche pas, il vérifiera plus. Parce que 3 fois que ça marche pas, tu essaies d'y changer ses idées. Il veut pas. Il va se fermer la boîte. Alors, l'enfant ancien, on lui montre à être poli, c'est-à-dire qu'on lui montre à vivre en société. À ne pas marcher sur les pieds des autres, à ne pas toujours déranger tout le monde, c'est-à-dire qu'on lui montre qu'on vit dans un cadre écologique où chaque élément est important, puis qu'il y a une harmonie qui va exister quand l'évolution de tout le monde plaît à tout le monde. Et ça, vivre en société. Mais l'enfant nouveau, lui, il rentre dans la société, puis là, quelqu'un veut faire une peinture, il fait une peinture, c'est de l'expression. Un autre se met à chanter, c'est de l'expression. Lui, il décide de faire telle chose, ça frustre tout le monde. Alors lui, il n'a pas le droit de s'exprimer. Lui, il n'a pas le droit de penser. Lui, il n'a pas le droit d'avoir des idées. Toi, tu aimes Jéhovah. Toi, tu aimes Yahvé. Lui, il trouve que c'est con. Les deux se mettent dessus pour le ramener quelque part. Alors nécessairement, lui, on lui interdit quasiment toujours de tout faire. On lui dit, ben oui, mais sois normal. Ça c'est assez pour qu'il se suicide. Ça y pue au nez, c'est impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut lui montrer à être écologique. À 3 ans, 4 ans, c'est le temps. Faut lui montrer c'est quoi être écologique. Ben, il faut vivre avec. Pas rien que la parole. Tu lui dis que, moi, j'ai un règlement qui me dit de ne pas marcher là où tu te trouves. C'est une discipline. Parce que si je marche là où tu te trouves, je te boule, je te renverse à terre, je te fais mal, je te pile dessous. Puis, moi, ça me dérange pas de t'écraser. Mais toi, trouves-tu ça correct que je t'écrase? On va dire non. C'est ça la discipline. Alors moi, je me discipline à devoir passer autour de toi. Puis quand toi, tu te promènes avec ton chariot, puis tu viens marcher dans mon terrain, c'est la même chose. Puis tu me renverses. Pas de la même façon. Puis là, continue à jaser avec, amène-la. Puis à un moment donné, elle va comprendre c'est quoi la discipline. Elle va comprendre c'est quoi l'écologie. Elle va dire, OK, dans un monde de cons, faut que je fasse comme si j'étais con. Comme ça, tout le monde pense que je suis intelligent, vu que je suis con comme eux autres. Elle peut te dire ça. Tu lui réponds, c'est en plein ça. C'est ça. C'est relatif, tout est relatif. Donc, con ou intelligent, ou etc. Mais dans de son point de vue à elle, c'est en plein ça. Dis pas que c'est pas ça. Mais non, ils sont tous intelligents, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Elle va dire, ben c'est ça que je dis, ils sont cons. De son point de vue à elle. Si tu lui dis, c'est en plein ça. OK, elle va peut-être penser que tout le monde est con, mais elle va vivre disciplinée. À travers l'écologie des autres, elle nuira plus aux autres, elle souffrira pas d'être dans ce monde-là. Puis après ça, faut que tu lui expliques qu'en observant les autres, tu vas découvrir ce que c'est que toi. Tu vas découvrir ce que c'est que l'humain, tu vas découvrir un paquet de choses. Puis c'est très important, ces enfants-là, de commencer à vouloir parler de choses que l'homme ancien n'ose pas parler. On parle de la mort, OK. Pourquoi la mort? Ah ben la mort, c'est quelque chose comme ça. Que l'enfant nouveau, si tu t'en fais un complice, là, qu'est-ce que tu penses que c'est la mort? Il va t'expliquer des choses qui peuvent te bouleverser. Puis l'idée, c'est pas de toujours dire que c'est pas ça. C'est juste de leur poser des questions. Ils vont se répondre eux-mêmes en parlant. Expliquez-leur pas trop de choses. Posez-leur des questions. T'aimerais-tu ça que je te renverse à terre? Trouverais-tu ça intelligent? Dis-y pas que ce serait pas intelligent que tu la renverses. C'est ton point de vue. Fait que si elle souffre pas de te renverser, elle te dérangera pas. Donc, faut qu'il demande si elle trouve ça intelligent de se faire renverser. Si elle dit non, elle va comprendre que toi non plus, tu trouves pas ça intelligent. Alors, il faut faire attention. Donc, elle fonctionnera pas par émotivité. Ce sera pas pour te faire plaisir qu'elle va te contourner. C'est parce que si elle voit l'intelligence de la chose, elle va te contourner. Si elle voit l'intelligence de pas écraser les fourmis, elle écrasera pas. Et si elle voit pas l'intelligence, elle va s'en foutre. Oui. Comment faut user notre énergie, les mettre à terre, parce que les autres ont beaucoup de d'énergie. Puis on dirait qu'ils viennent la gober. Non, le problème qu'il y a, c'est que l'enfant nouveau n'est pas un têteux. L'enfant ancien est un têteux d'énergie. Pensant le mot têteux, c'est le mot le plus parfait, c'est un vampire. Sauf que c'est pas péjoratif, c'est pas un défaut, c'est normal. L'adulte aussi est têteux, c'est correct. On a fait une conférence dernièrement sur la sexualité de l'homme nouveau et la sexualité de l'évolution. Se nourrir des ondes de forme, se nourrir énergétiquement. Ben, c'est la même chose. L'enfant ancien aura besoin d'affection. Il va venir se coller. Il vient têter de l'énergie. Un enfant trop colleux va finir par vous fatiguer, par vous épuiser. Normal, il prend de l'énergie. Un enfant qui a toujours les mêmes problèmes, qui vient broyer, qui vient se plaindre, c'est comme un adulte. Il vous tête en énergie. Ça fatigue, ça écœure, ça épuise. On peut plus répondre après ça. On finit par être tanné. L'enfant nouveau, lui, par contre, fait pas ça. L'enfant nouveau, il avance à son rythme, mais toi, t'essayes de le suivre. Et tu t'épuises à vouloir le suivre. Mais lui, te tête pas. Il y a une affaire importante, c'est que quand un enfant nouveau découvre qu'un adulte répond puis qu'un adulte veut devenir complice, il en profite, en sacrebleu. Alors là, faut lui expliquer encore une fois c'est quoi l'écologie. Quand est-ce que c'est suffisant? Quand est-ce que tu as besoin de repos? Puis s'il te répond n'importe quoi, si ça peut être intelligent et écologique dans la circonstance, on lui répond oui. Faut donner un exemple. L'enfant nouveau va répondre, si je comprends bien, il faut qu'on te pose plus que toi aux questions, que là, tu viens folle, tu capotes. Ben, tu réponds, effectivement, je capote. Puis quand je capote, toutes les réponses qui suivent, c'est des réponses qui valent rien. Fait que si tu veux avoir des réponses intelligentes, après toi aux questions, laisse-moi en paix. Il va trouver que t'es folle, mais il t'achèlera plus. Mais au fin fond de lui, après 2-3 jours, 2-3 semaines, il va savoir que t'es peut-être la plus brillante sur la planète. Il va apprendre à te respecter, pas à te craindre, à te respecter. Il va décider que tu mérites respect. Il n'aura pas appris à te respecter. L'enfant ancien, il faut le lui montrer, il ne l'apprendra pas. Sauf si on le laisse dans un cadre un peu plus souffrant pour le parent, un peu plus souffrant pour l'enfant, puis il va finir par découvrir l'intelligence des choses, puis il va lui aussi apprendre par lui-même. La même chose. Tu sais, tu honoreras ton père et ta mère, s'ils sont honorables, dirait l'enfant nouveau. Et c'est en plein ça. L'enfant ancien, on peut le lui expliquer. L'enfant nouveau, il va vous maudire si vous voulez le paramétrer. Tandis que si vous méritez d'être respecté, il va vous respecter. Puis mériter d'être respecté, c'est quoi? C'est d'être capable de l'aimer intelligemment. Quand on aime intelligemment quelqu'un, on le respecte. Quand on le respecte, ça veut dire qu'on ne lui demande pas d'être ce que l'on veut pour qu'on puisse continuer à l'aimer. L'enfant nouveau, bon, c'est ton Isabelle. Elle décide 40, elle a des couches vertes. Punk. Des couches punk. C'est évident que ça frustre tout le monde. Elle n'a plus de couches à cet âge-là, j'imagine, mais disons. Ça va frustrer tout le monde. Puis la gang d'enfants anciens collectifs vont tous vouloir avoir des couches vertes aussi. Ça va de soi. Faut être dans le vent. N'importe quel vent, mais dans le vent. Dans la collectivité. Sauf que si ça frustre les adultes puis tous ceux-là, toi, si tu l'aimes, tu dis oui, mais moi, je t'aime, tu sais, mais je t'aime bien plus quand t'as des couches blanches. Elle va comprendre que vous ne l'aimez pas. T'as respecte pas. Moi, je t'aime quand t'as cette peignure-là, cette couleur de cheveux-là, ces yeux-là, cet habillement-là, ce vêtement-là, tu marches de même, tu fais ça. Là, je t'aime. Quand t'es pas dans ce cadre-là, j'ai bien de la misère à t'aimer autant. L'enfant ancien, pogne. Pour se faire aimer, il va accepter de se déformer. Ce que vous avez tous accepté de faire à un moment donné, puisque l'humain accepte encore de faire régulièrement et continuellement. Pas perdre l'amour de ceux qui nous aiment, puis pas perdre non plus la possibilité d'aimer ceux qu'on aime. On souffre d'aimer. Tandis que l'enfant ancien, lui, s'il décide de changer carrément son apparence, faudra simplement qu'on le remarque même pas. Parce que pour lui, c'est pas un drame, c'est naturel. Alors, s'il rentre avec ses couches vertes, on dit rien. On s'en rend pas compte. Alors, lentement, il va découvrir, premièrement, qu'il peut pas te manipuler par le choc. Et ce que les enfants font, manipulent les adultes par le choc. Il va bien voir que ça crée un effet chez autrui. Des enfants anciens avec son transitif qui vont jouer comme ça. Ils voient que ça crée des effets, mais pas sur toi. En partant, tu restes pas arriéré. En partant, si un jour l'enfant a des problèmes, il y aura l'impression que si t'en parles, vu que t'es la moins arriérée de la gang, il y a des chances que tu puisses l'aider. Mais ils sauront surtout que s'ils viennent voir, ils disent « Ouais, mais c'est parce que j'ai un problème, mes couches vertes, ils déteignent. J'aimerais ça avoir des couches vertes, mais qu'ils déteignent plus. » Tu sais, tu vas dire « C'est pas genre le problème-là, moi, que je veux y aider. » Ben, faudra. Respecte-la. Laisse-la être ce qu'elle est. Et donne-lui les outils pour qu'elle le soit encore plus. Certains parents ou éducateurs vont dire « Ouais, ben, tu sais, ça va pas. » Ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté. On dit qu'ils respectent pas. Puis l'enfant nouveau a besoin d'être respecté parce qu'il ne pourra pas respecter ceux qui ne le respectent pas. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est très, très, très important. Puis on va dire de l'enfant ancien de la même chose. Puis c'est presque vrai. Parce que vous savez que l'enfant ancien, à la naissance, pas grande différence de l'enfant nouveau. L'enfant nouveau est plus difficile à déformer que l'enfant ancien. L'enfant ancien est plus facilement déformable, collectivable. Sauf que même l'enfant ancien, s'il est éduqué de façon intelligente, c'est évident qu'il va devenir un enfant nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux le faire garder, tu le laisses quelque part, si t'en vas 2 ans, tu reviens, il va te reconnaître, hein, mais il sera pas ennuyé pantoute. Ça veut dire, il m'aime pas, oui, il vous aime. Mais il souffre pas de vous aimer. Donc, c'est parfait. Mais oui. on peut pas refaire tous les parents, les professeurs, les médecins. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est justement ça tout à l'heure que j'expliquais. C'est qu'on peut pas les refaire, mais les enfants vont finir par les refaire. Ben, on les envoie à dépression, ces enfants-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut expliquer tout de suite à l'enfant que beaucoup d'adultes et beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas les comprendre ou qui ne peuvent pas nous comprendre si on veut être complice avec eux autres parce qu'ils ne vivent pas comme nous. Ça va créer une forme de racisme, pas émotif, donc un racisme qui est pas dangereux. C'est un peu comme le racisme entre le gars en santé puis le gars malade. Le médecin, il va dire, toi, t'es malade. C'est une forme de racisme. Tu sais, l'autre, le malade, il répondra pas, oh, puis toi, je suppose, t'es parfait. Il répond pas ça. Parce qu'il accepte d'être malade puis il accepte que l'autre soit en santé. Puis le médecin, si tu vas, le médecin va voir un patient, le patient, il dit, non, je suis en santé. Qu'est-ce que le médecin va dire? Il va dire, t'es en santé, c'est ça que ton camp. Quand tu seras malade, tu viendras me voir. Si l'enfant apprend que lui, il a quelque chose, puis que les autres sont différents, puis que les autres ne vivent pas dans le même monde que lui, même si on vit dans le même cadre écologique, c'est la même planète, ben il va comprendre. Toi, tu lui dis, il y a des adultes puis des enfants qui, eux autres, ont besoin d'avoir un patron. Ils ont besoin. Ils sont pas cons. C'est nécessaire qu'il y ait des humains qui aient besoin d'avoir un patron. Pis c'est nécessaire qu'il y ait des humains qui aient besoin d'être patron. Alors, tu dis à l'enfant, toi, tu as besoin d'être patron. C'est pas mieux d'être patron. Si tout le monde est patron, il n'y a plus rien qui fonctionne. Sauf que celui-là, hein, il peut être patron, il manipule, il fait ci, il fait ça. Il va devenir un boss, de toute façon. Soit de gang, soit de ce que tu voudras, autant qu'il devienne un patron intelligent. Et c'est important donc de lui montrer le cadre, de lui expliquer qu'il y en a d'autres qui comprennent rien. Bon, moi j'ai ma fille. C'est un enfant nouveau. À l'école, évidemment, les professeurs ne la comprennent pas. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est une vraie folie. Les professeurs, j'ai déjà rencontré un professeur. Je devais tous les rencontrer. Mais ils sont mis en gang, ils m'ont rencontré en gang. Ils ont pensé sauver du temps. Il y en avait par sa tête. Elle est autodidacte, ce qui est typique de l'enfant nouveau aussi. Elle apprend tout seul. Fait qu'imaginez-vous, placer dans une classe où tout le monde n'apprend rien. Puis là, on lui dit qu'il faut qu'il apprenne. Puis quand il demande pourquoi, parce que plus tard, ça va te servir. Puis il entend tout le monde chialer qu'ils n'ont pas de job. Plus tard. Il veut pas passer sa jeunesse à préparer sa vieillesse, pour après ça, passer sa vieillesse à regretter sa jeunesse. Ce que l'homme ancien fait. Il tient pas à faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, l'école buissonnière? Hein, l'école d'asphalte, maintenant, puis Buisson. Il va faire, il va à la bibliothèque, il va sauter des cours, il va dormir dans les cours, il va niaiser, il va pas l'intelligence être là. Alors, faut absolument lui expliquer que lui, il est cela. Peut-être que la mère ou le père est comme ça. Peut-être que son frère, un tel est ancien, l'autre est nouveau. Et puis, il faut lui expliquer que de l'extérieur est différent. C'est très, très, très, très, très, très important qu'un enfant comprenne que l'humanité n'est pas comme lui. Dans le cadre traditionnel de la pédagogie, on apprend à l'enfant qu'il est comme tout le monde. Qu'est-ce qu'un prof va dire quand un enfant lève la main et qu'il dit, à 8-9 ans, « Ouais, tu sais, la formule mathématique, là, c'est correct, mais je pense qu'on peut faire mieux. » Qu'est-ce que le prof répond? « Hey, t'es pas mieux qu'un autre, toi, OK? Rassis-toi. » Ouais, c'est ça. Non, l'enfant nouveau, il sait qu'il est mieux qu'un autre. Mais si on lui a jamais dit puis qu'on passe notre temps à lui répondre qu'il est pas mieux qu'un autre, qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné? Il va fuir cette maudite planète-là. Il faut pas. C'est les plus brillants. Alors, faut qu'il comprenne qu'effectivement, il est plus brillant, même que le prof, que le professeur, dans son évolution, lui, peut pas supporter. Le professeur, c'est un adulte ancien, qui est convaincu que l'intelligence dépend de l'âge. Puis de la forme physique. Il peut pas comprendre autrement. Fait que lève pas ta main dans la classe pour dire au professeur qu'il a tort. Il peut pas le comprendre. Il peut pas le supporter. Fait que l'élève va dire, ouais, mais je fais quoi, moi, dans cette maudite classe-là? C'est le problème. Ben, on essaye de lui faire comprendre qu'il doit aller à l'école encore pour aller chercher un diplôme secondaire 5, parce que dans la société où ce qu'on est, sans diplôme secondaire 5, tu fais rien. Et puis, on peut lui expliquer, ça paraît bien bizarre, il y a bien des choses. Présentement, le problème, c'est qu'on a un enfant nouveau sur peut-être 15 enfants anciens. Donc, la société, tous les éducateurs quasiment sont anciens, pas tous, la majorité, il y en a quelques-uns qui sont transitifs. Puis, cet enfant nouveau-là, il faudrait quasiment qu'on lui dise, ben, va pas à l'école. Mais on fait quoi avec maintenant qu'il va pas à l'école? Il a besoin d'apprendre des choses. Il faut qu'il apprenne à écrire. Très important. Il faut qu'il apprenne à calculer. Parce que tout son développement va se faire par les mathématiques. Soit l'ordinateur, soit la logifération, soit l'intelligentiation, des choses comme ça. On devrait lui dire, va pas à l'école. La loi l'oblige à y aller, parce que la loi est collectivisante. Puis si on garde à la maison, qui c'est qui l'instruit? On a des professeurs qui donnent des cours ici, qui enseignent à l'école, puis il y en a même une qui m'a dit à un moment donné, mais moi, n'importe quand, je serais prête à ce qu'on fasse une classe juste pour eux autres. Vu qu'un professeur, on pourrait avoir un permis du ministère. Parce qu'on est des médecins qui travaillent ici, etc. Fait qu'on aurait facilement la possibilité. Mais encore là, est-ce que c'est faut quasiment que tu aies un éducateur par enfant? Ça complique les choses. Sauf si les parents auraient été éduqués à devenir éducateurs. Ça solutionnerait toutes les choses. Hein? On devient parent, mais on n'a jamais eu de préparation. Franchement, on lit un livre qui nous explique qu'on doit faire ça dans tel cas. Tu sais, le livre s'adresse à 8 millions d'enfants sur la planète. Franchement, il suffit qu'on ait une exception pour qu'on sache plus quoi faire avec. Là, on va voir un psychologue, lui, il part de Freud, il part d'un paquet d'autres en arrière, puis il est convaincu que l'enfant, il doit être comme ça. Fait que là, t'amènes un enfant qui cadre pas, il s'organise pour le déformer, pour le rentrer à sa ligne de tir, puis te dire, maintenant, il est normal. Mais les enfants nouveaux peuvent pas vivre comme ça. On doit les droguer. La seule façon là, de calmer un enfant nouveau, c'est de le droguer. Puis c'est ce qu'on fait régulièrement. Il y a beaucoup de parents qui viennent ici, puis leurs enfants sont suffisamment nouveaux. La preuve, il y a des enfants qui suivent des cours ici, au niveau éducatif, éducation physique. Puis ces enfants-là sont absolument géniaux, ils n'ont aucun problème avec, mais partout où ils vont, les professeurs n'en peuvent plus. Les pédagogues n'en peuvent plus, puis on les bourre de médicaments. Alors, il faut absolument les instruire que l'extérieur est différent. Le phénomène de l'enfant nouveau, il doit être compris par l'enfant. Il doit savoir qu'il n'est pas meilleur, qu'il est différent. Puis s'il dit « ouais, mais je suis quand même meilleur », dites-lui « oui ». Parce qu'il va être plus efficace. Oui, mais l'autre, là, tu sais, les peines d'amour, c'est-tu niaiseux? Ah, tu vas voir plus tard. Ben non, c'est pas ça qu'il faut lui dire. C'est vrai qu'une peine d'amour, c'est niaiseux. On serait mauditement mieux d'être en amour sans jamais avoir de peine. Alors, tu dis pas que c'est normal. Tu dis qu'il a raison. Il a raison. La seule façon d'être bien complice d'un enfant nouveau ou de n'importe quel enfant ancien qui transite, c'est que quand ils ont raison, c'est de leur dire qu'ils ont raison. Et plus souvent qu'autrement, l'adulte peut pas. Trop d'orgueil. Je suis capable de le dire quand ils ont raison. Et des fois, ils ont raison en sacré dans des points très, très obscurs de la conscience humaine, ou même dans des points religieux. Puis c'est dans ces points-là, de temps en temps, que là, on bloque. Que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau théologique, que ce soit au niveau de ce que l'on voudra. C'est l'enfant qui dit que si tu es en train d'écrire, tu écris un livre. Ah oh oui, je suis en train de réécrire la Bible. Ah, oh, lâche pas. Oui. Ça se pourrait-il qu'un enfant naissant, il y a 18 ans, puis ça pourrait être un enfant nouveau? Ben oui. Parce qu'on est plus tard. Il y en a qui ont 65 ans présentement qui ont été des enfants nouveaux. Mais qu'est-ce qui arrive, moi, dernièrement, là, chez lui, là, enfin, on a été manipulé par moi. La société est écrasée. Il vit des confusions. Donc, il s'est fait un monde qui est quasiment tous les enfants nouveaux qui sont mal organisés se font un monde ou se suicident. Là, je vois qu'il n'y a aucun intérêt à tout. Mais je vois là qu'il pense, mais il n'y a pas du tout. Donc, moi, je ne l'ai pas compris, mais je suis ici, je pense qu'il n'y a pas. Parce que le problème de l'enfant nouveau, souvent, dans la phase actuelle de notre société, c'est qu'il voit plus clair que tout le monde, puis il a juste pas assez clair pour voir l'intelligence de toute la merde qui est sa planète. Bon, il voit du monde faire des viols, il lit le journaux, lui, avec. Tout ce qu'il peut dire, c'est « tabarnouche, mais ça n'a pas de sens! » Il connaît la science, puis il dit que la science qu'on a là, on devrait être dans un paradis! Ça n'a pas de sens! Alors, il voit tout ce que l'humain voit pas, donc il va souffrir mentalement, mauditement plus que l'humain. Puis il voit juste pas assez pour pouvoir dire « il maudit que c'est bien fait! » Sauf que moi, j'embarque plus là-dedans, je vais contourner le merde, puis à vivre. Mais le tien à 18 ans, ce qu'il faudrait, c'est y botter le cul. Mais il va falloir qu'il se botte le cul lui-même à un moment donné. Il n'y a pas... l'éducation finit cet âge-là, c'est lui qui se démerde. À ce moment-là, je croyais parce qu'il n'y avait pas de père. J'ai culpabilité. Ah, c'est simple. On tombait, moi, là, depuis... T'as fait ce que t'as pu faire. Oui. Donc, oui, tu peux pas faire mieux. Fait que la culpabilité, n'importe quel enfant à nouveau va te dire, mais c'est pas poubelle. Bon, les culpabilités ont parti plus que moi. Ben, il faut. Ça sert à rien. Puis lui, maintenant, à l'âge qu'il est rendu là, il va faire le même job que toi. C'est ça. C'est son problème. Il se démerdera. Il n'y a rien d'autre à regarder. Est-ce que ça me fait pas mal? Ça me fait plus mal. Ben, il faut pas. Ben, il faut pas. L'humain éduque par émotivité. Si l'enfant est standard, pis te paraît bien, pis te fait pas souffrir, tu t'en occuperas jamais. Si émotivement, tu te fais ramasser, là, tu veux t'en occuper. On doit pas éduquer par émotivité. Quand l'enfant te dit, j'ai 14 ans, pis je déménage, tu lui dis, pas le faire. Pis si t'as besoin d'aide, tu viens me voir. L'enfant va dire, compte là-dessus. Pis il s'en va. Ouais, mais ici, il y arrive. S'il part à 16 ans, tout croche, tout travers, il va y arriver bien plus de choses s'il part à 14 ans, bien lucide, pis bien correct. Pis s'il y a un problème, pis il sait que s'il vient te voir, t'essaieras pas de le ramasser. Il va venir te voir. Il va venir te voir sans jamais aucun problème. Pourquoi les enfants viennent pas voir les parents quand ils ont des gros problèmes? C'est parce que tout fait qu'ils viennent voir les parents essayent de les ramener dans leur chemin, eux autres. Ils veulent pas les laisser dans le chemin de l'enfant. Il y a pas de problème. L'enfant nouveau va survivre mieux que pas un seul adulte ici est arrivé à survivre. J'expliquais dernièrement qu'un enfant nouveau qui arrive à faire l'école missionnaire pendant 15 ans sans jamais se faire pincer, il a tout manqué ses cours puis il a réussi à avoir des bonnes notes pareilles aux examens en trichant chez les autres. Inquiétez-vous pas. Il va devenir président ou patron d'une grosse, grosse compagnie plus tard. Oui, il a su travailler dans la vie, traverser toutes les barrières, il a su mener son jeu comme qu'il voulait jouer. Il va arriver à faire ce qu'il va vouloir faire. Il n'y a pas de problème. L'enfant ancien qui suit l'enfant nouveau, lui, il va être sur l'assistance sociale le restant de ses jours. C'est pour ça qu'il y a deux formes d'éducation. Mais si c'est un enfant nouveau, il perd rien. Maudit, il veut pas aller à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est, tout est plate. Dépendant de l'âge, fournissez-lui un ordinateur. Vous allez voir que c'est pas long, on va commencer à s'atteler là-dessus. Puis s'il comprend la logique de l'ordinateur, ben là, faut immédiatement inclure une logique qui va vous obliger. C'est bien important. Ou vous pouvez bien vivre avec l'enfant nouveau, ou vous lui dites que vous, vous êtes ancien, que vous, vous êtes pas capable de tout faire tout de suite, mais que maintenant, grâce à lui, parce que lui, il est là, vous voyez l'intelligence de bien les choses. Dites pas un enfant que fumer, c'est pas bon pour un enfant. Dites-lui carrément que fumer, c'est pas bon pour un adulte, c'est pas bon pour un humain. Ça tue l'humain. Il va vous dire, ben, pourquoi tu fumes, toi? Vous lui dites, parce que moi, j'ai pas su ça quand j'étais jeune, puis je me suis fait ramasser en maudit. Quand tu te mets à fumer, t'as besoin de continuer à fumer. Puis c'est quasiment comme si de l'eau polluée, là, attirerait la pollution à elle. Quelqu'un, il se promène avec une canette, là, quand il voit deux rivières, une pure puis une polluée, il jette la canette où? Dans la polluée. La polluée est pognée. On va être dur de la dépolluer. Fait que l'enfant, lui, il a la rivière propre, puis moi, je suis la rivière tout sale. Puis parce que je suis tout sale, je le sais que la cigarette, ça tue. C'est pour ça qu'il faut pas que tu fumes. Puis moi, je fais tout pour arrêter de fumer, ça paraît peut-être pas, mais là-dedans, ça brasse en sacré bleu. De toute façon, une fois par mois, je me ramasse dans ma chambre à broyer. Vrai, pas vrai. Il va comprendre ce qu'est le message que vous lui passez. Alors, dis-tu pas, ouais, mais non, pour un enfant, c'est pas bon. Souvent, tous nos maudits problèmes, on explique à l'enfant que c'est correct quand on est un adulte. Faut buvez de la boisson, vous savez que l'alcool, c'est pas bon. Ça détruit les neurones du cerveau, ça détruit la gaine de myéline, ça empêche la conduction nerveuse de se faire rapidement, donc ça ralentit l'humain. Ah oui, mais tu sais, de temps en temps, une bière, ça dérange pas. Non. De temps en temps, une bière, ça dérange. Tout ce qui sert à rien dérange. Si vous en prenez, vous pouvez lui expliquer que vous autres, vous êtes de ce genre de monde-là. Si lui décide d'embarquer dans votre monde, il l'aura décidé. Il n'aura pas été programmé. Il l'aura décidé. La drogue, c'est la même maudite affaire. Expliquez-lui que la drogue, ça tue. Oh, mais il y en a plein qui se droguent, tu sais, dites-lui. Et ce monde-là, ils sont pour commencer. C'est pas compliqué, dites-toi, sur le prochain party de Noël, là, tu viendras voir. Mon oncle, ma tante, papa, les autres, tu nous checkeras. On est tous la mine à terre. Toi, quand tu rencontres tes chums, tu t'amuses, t'as du fun, hein? Les autres, on n'est pas capables, faut qu'on boive. Check bien. Fait que là, tu regarderas bien ça. Essaye de pas trop boire cette soirée-là, puis t'as rentré à les voir. Tu vois mon oncle, comment il rit, là? Il riait pas de même quand il est arrivé, hein? Mais quand il était comme toi, il riait, sans boire. Maintenant qu'il a bu, pour rire, t'es obligé de boire. Fait que t'es bien mieux si tu peux rire sans boire. Parce que s'il n'y a pas de boisson, tu t'amuses pareil. Tandis que lui, s'il n'y a pas de boisson, il peut pas s'amuser. Ah, il y a plein de trucs. Moi, mais tu sais, il aimera pas son oncle, il aimera pas. Il va aimer tout le monde, mais il va simplement comprendre. Fait que s'il s'en va chez son oncle, il va y aller une bouteille de bière. Lui, il en boira plus. Il faut expliquer à l'enfant tout de suite le monde dans lequel on est. Parce que si on l'explique pas, l'enfant va nous le placer en plein visage. Puis si on le refuse, on aura des problèmes avec cet enfant-là. Je répète qu'on a de plus en plus d'enfants nouveaux. Puis c'est pas une philosophie. Puis ces enfants-là, ils n'ont pas peur. Ils ne vivent pas émotivement comme l'homme d'aujourd'hui vit. Puis comme l'homme du passé vivait. Il est nouveau. C'est pour ça que je l'appelle nouveau. Ça veut dire que s'il ne trouve pas d'intelligence dans ce monde-ci, il va aller voir ailleurs. Ça, c'est officiel. Question? Oui. L'enfant nouveau sait instantanément beaucoup de choses. Il arrive, puis il te dit un fait, quelque chose qui s'est passé, que tu ne sais pas trop. Il te demande, sais-tu vrai, ça? Où tu l'as appris? Je ne sais pas, c'est, je le sais. Comment faire pour y répondre si moi, je ne le sais pas? Bon, on va revenir. Là, on fait une petite pause. On va revenir là-dessus. Ça, c'est une chose très, très, très, très importante qui va traumatiser la majorité des adultes qui auront affaire à face avec un enfant nouveau. C'est qu'il a, comme l'homme nouveau, accès à un savoir instantané. Philosophie, spiritualité, croyance, foi, non, ça n'a rien à voir. C'est une constatation. C'est un fait. Tu vas rentrer quelque part, les professeurs...